La descente de Isa, alayhi salam. Avant de parler de la descente même de Isa ibn Maryam, alayhi salam, il convient de connaître sa description qui a été faite dans les textes religieux. La description de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Les textes rapportés le décrivent de la sorte. C'est un homme de taille moyenne, ni long ni court, brun, la poitrine large, les cheveux plats. Il donne l'impression, le voyant, de juste sortir du hammam. Il a une chevelure peignée et pommadée en dessous des oreilles qui emplit l'espace entre ses épaules. Abu Huraira radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La nuit du voyage nocturne, j'ai rencontré Moussa et j'ai rencontré Isa. Il est de taille moyenne, brun, c'est comme s'il venait de sortir du dimas, c'est-à-dire du hammam. » Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai vu Isa, Moussa et Ibrahim. Quant à Isa, il est brun. Jard, la poitrine large. » Le mot Jard est un mot employé le plus souvent pour décrire une chevelure crépue, mais dans ce contexte, il s'agit de la description de son corps et non ses cheveux. C'est un corps donnant une impression de force. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je me suis vu en songe dans le Hijr, tandis que Quraysh me questionnait. C'est alors que j'aperçus Isa ibn Maryam, alayhi salam, debout en train de prier. Celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. » Rapporté par Muslim. Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Je me suis vu une nuit à la Kaaba. C'est alors que je vis un homme brun, du plus beau brun que l'on puisse voir. » Chevelure qui descendait en dessous des oreilles, des plus belles chevelures que l'on puisse voir, qu'il a peignée et pommadée et laissant tomber des gouttes d'eau, appuyée sur deux hommes ou sur les épaules de deux hommes, accomplissant la procession autour du temple. Je demandais, qui est-ce? C'est le Messie, fils de Maryam. Rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre version, c'est alors que je vis un homme brun, à la chevelure peignée et pommadée. Rapporté par Muslim. La description de sa descente. Après la sortie du faux Messie et sa corruption sur terre, Allah Azawajal enverra Isa alayhi salam qui descendra sur terre. Cette descente aura lieu du côté du minaret blanc à l'est de Damas, au Shem, vêtu de deux pièces d'étoffe de teinture jaunâtre, posant les mains sur les ailes de deux anges. Lorsqu'il baisse la tête, elle ruisselle, et quand il la relève, il s'en écoule des grains pareils à des perles. Il incombera à tout mécréant qui sentira son haleine de mourir, tandis que celle-ci s'étend là où s'étend sa vue. Il descendra auprès du groupe victorieux qui combat pour la vérité, rassemblé pour combattre le faux Messie. Il descendra au moment du second appel à la prière et priera derrière l'émir du groupe. Ibn Kathir, rahimahullah, dit « C'est ce qui est le plus connu quant à l'endroit de sa descente, le minaret blanc à l'est de Damas. J'ai trouvé dans quelques livres qu'il descendra près du minaret blanc à l'est de la mosquée de Damas, il se peut donc que ce soit ce qui est retenu. Aussi, il n'y a à Damas de minaret connu comme étant celui qui est oriental autre que celui se trouvant justement près de la mosquée Omayyad à l'est de Damas. Voilà ce qui est le plus propice, car il descendra alors que le second appel sera fait. L'imam des musulmans lui dira « Ô esprit émanant d'Allah, avance-toi » et il répondra « Avance-toi plutôt, car l'appel a été fait pour toi. » Dans une autre version, « Vous êtes les chefs les uns des autres, honneur de la part d'Allah fait à cette communauté. » Ibn Kathir, rahimahullah, mentionne qu'à son époque, en l'an 741, les musulmans restaurèrent le minaret en l'utilisant de la pierre blanche. Sa construction fut faite avec l'argent des chrétiens qui avaient brûlé le minaret qui se trouvait à sa place. Il est donc probable que cela figure parmi les signes de sa prophétie manifeste, à savoir qu'Allah Azawajal décréta la construction de ce minaret avec l'argent des chrétiens afin que Isa ibn Maryam alayhi salam y descende. Il tuera le porc, brisera la croix et n'acceptera plus de la capitation. Il n'y aura que l'acceptation de l'islam ou la mort. Il en sera de même pour les autres mécréants. Dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, relatant le récit de l'apparition du faux Messie, puis celui de la descente de Isa alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Alors Allah azawajal enverra le Messie fils de Maryam, il descendra près du minaret blanc, à l'est de Damas, vêtu de deux pièces d'étoffe de teinte jaunâtre, posant les mains sur les ailes de deux anges. Lorsqu'il baissera la tête, elle ruissellera, et quand il la relèvera, il s'en écoulera des grains pareils à des perles. Il incombera à tout mécréant qui sentira son haleine de mourir. tandis que celle-ci s'étendra là où s'étend sa vue. Alors il le cherchera, en parlant du faux Messie, jusqu'à le rattraper près de la porte de l'Oud et le tuera. Puis, des gens qu'Allah avait préservés de lui, c'est-à-dire le faux Messie, se rendront auprès de Isa ibn Maryam, il essuiera leur visage et leur parlera de leur rang au paradis. Rapporté par Muslim. L'épreuve de la descente de Isa. La descente de Isa alayhi salam à la fin des temps est attestée dans le Coran et la Sunna authentique notoire. Cela fait partie de l'un des grands signes précurseurs de l'heure. L'épreuve de sa descente dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit: quand on cite l'exemple du fils de Maryam, ton peuple s'en détourne. Jusqu'au verset, il sera un signe pour l'heure. Surat Az-Zukhruf, versets 57 à 61. Ces versets parlent de Isa alayhi salam. En fin de citation, il dit: il sera un signe pour l'heure. C'est-à-dire la descente de Isa alayhi salam avant le jour de la résurrection est un signe de la proximité de l'heure. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte dans son Mousnad qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, expliquant ce verset: c'est la venue de Isa ibn Maryam alayhi salam avant le jour de la résurrection. L'érudit Ibn Kathir rahimahullah dit: en vérité, il, le pronom, désigne Isa alayhi salam car le contexte parle de lui. Il estima improbable que le verset désigne les miracles avec lesquels Isa fut envoyé, à savoir la résurrection des morts, la guérison des muets et des lépreux et autres malades. Plus improbable encore est ce qui a été rapporté de certains savants, à savoir que le pronom désigne le Saint-Coran. Allah Azza wa Jal dit: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie Isa, fils de Maryam, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Jusqu'au verset: il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Surat An-Nisa, versets 157 à 159. Ces versets prouvent que les Juifs n'ont pas tué Isa ibn Maryam, alayhi salam, ni crucifié. Mais Allah Azza wa Jal l'a élevé au ciel, comme dit Allah Azza wa Jal dans ce verset: rappelle-toi quand Allah a dit: ô Isa, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Surat Ali Imran, verset 55. Il prouve aussi que parmi les gens du livre, il en est qui croiront à Isa ibn Maryam alayhi salam à la fin des temps. Cela aura lieu après sa descente et avant sa mort, comme l'indiquent les hadiths notoires authentiques. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah répondit à une question qu'on lui adressa concernant la mort de Isa et son élévation en disant: louange à Allah, Isa alayhi salam est vivant. Il est relaté dans le Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fils de Maryam descendra parmi vous en tant que juge équitable et imam juste. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Il est aussi relaté dans le Sahih qu'il descendra sur le minaret blanc à l'est de Damas et qu'il tuera le faux Messie. Celui dont l'âme a quitté le corps ne peut descendre du ciel et s'il est ressuscité, alors c'est de sa tombe qu'il devra se lever. Quant au verset: certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, c'est la preuve que ce n'est pas de la mort dont il est question. Car si l'on parlait de mort, Isa serait en cela pareil aux autres croyants, vu qu'Allah prend leur âme et la fait monter au ciel. Il n'y aurait alors aucune spécificité en cela. De même sa parole: et te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, si son âme avait quitté son corps, celui-ci serait resté sur terre comme le corps de tous les prophètes ou d'autres parmi les prophètes. Allah Azzawajal dit dans l'autre verset: or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Sa parole, mais Allah l'a élevé vers lui, démontre que son corps et son âme furent élevés. Comme il est d'ailleurs mentionné dans le Sahih qu'il descendra avec son corps et son âme. Car si l'on parlait de sa mort, il aurait dit: or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il est mort. C'est pour cela que des savants ont dit que le verset « je vais mettre fin à ta vie terrestre » signifie « je vais te prendre », c'est-à-dire prendre ton âme et ton corps. Mettre fin à la vie terrestre ne veut pas forcément dire en soi la mort de l'âme, en dehors de celle du corps, ni celle des deux, sauf indication spécifique. Cela peut aussi désigner le sommeil, comme Allah dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort » et « et c'est lui qui prend vos âmes la nuit, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Ainsi que le verset: et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme. Il n'est pas question ici de traiter le sujet de l'élévation de Isa alayhi salam. Cela n'a été cité que pour bien montrer qu'il fut élevé avec son corps et son âme et qu'il est bien vivant à présent au ciel. Il descendra à la fin des temps et ceux parmi les gens du livre qui seront présents croiront en lui, comme le dit Allah Azawajal. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ibn Jarir rapporte d'après Ibn Abbas que ce verset signifie « avant la mort de Isa ibn Maryam ». Ibn Kathir, rahimahullah, dit « la chaîne de transmission de cette information est authentique ». Après avoir rapporté les avis concernant la signification de ce verset, Ibn Jarir déclare « la parole la plus correcte est celle de ceux qui ont dit que l'interprétation est la suivante. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en Isa avant la mort de Isa ». Il rapporte aussi d'après Al-Hassan al-Basri, rahimallah, qu'il a dit « avant la mort de Isa ». Par Allah, il est en ce moment même vivant auprès d'Allah et lorsqu'il descendra, tous croiront en lui. Ibn Kathir, rahimallah, dit « il ne fait aucun doute que ce qu'a dit Ibn Jarir est ce qui est correct, car le contexte des versets affirme la fausseté de ce que prétendaient les Juifs, à savoir qu'ils avaient tué Isa et l'avaient crucifié, ainsi que de la reconnaissance des chrétiens ignorants quant à ce fait. Ainsi, Allah a informé qu'il n'en était rien, mais qu'il s'agissait d'un faux semblant. Ils tuèrent donc ce sosie, tandis qu'ils ne le remarquèrent point. Ensuite, il, Isa, fut élevé à lui, il demeure vivant, et il descendra avant le jour de la résurrection, comme l'indiquent les hadiths notoires. L'épreuve de la descente dans la Sunna. Les preuves de la descente de Isa alayhi salam dans la Sunna sont nombreuses et notoires. Certaines ont déjà été citées, et ci-dessous, je ne vais en citer que quelques-unes de peur de tirer en longueur. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, peu s'en faut que descende certes parmi vous le fils de Maryam en tant que juge équitable. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Les biens couleront à flot, si bien qu'il n'y aura personne pour les accepter, au point qu'une seule prosternation sera meilleure que la terre et ce qu'elle contient. » Ensuite, Abu Huraira ajouta « Récitez si vous le désirez la parole d'Allah. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Voici donc une exégèse qu'Abu Huraira radiallahu an a faite de ce verset, montrant que les gens du livre croiront en Isa alayhi salam avant sa mort. Ce qui aura lieu lors de sa descente vers la fin des temps, comme nous l'avons expliqué. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera l'un de vous ?» Jabir, radiallahu an, rapporte avoir entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux jusqu'au jour de la résurrection. » Il ajouta « Alors, Isa ibn Maryam descendra et leur émir dira « Viens et dirige notre prière. » Mais il répondra « Non, vous êtes les uns chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté. » Nous avons déjà vu le hadith de Hudayf ibn Asid concernant les grands signes de la fin des temps, où figure et la descente de Isa ibn Maryam, alayhi salam. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prophètes sont des frères consanguins, leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Aussi, je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il n'y a entre moi et lui aucun prophète. Il descendra certes, alors lorsque vous le verrez, reconnaissez-le. » Les hadiths concernant la descente de Isa alayhi salam sont notoires. Nous avons préalablement cité certains textes concernant la descente de Isa alayhi salam, mais tous les hadiths à ce propos n'ont pas été cités, de peur de tirer le sujet en longueur. Ces hadiths ont été rapportés dans les Sahih, les Sunan, les Masanid et autres recueils de la Sunna. Il indique clairement l'affirmation de la descente de Isa alayhi salam à la fin des temps. Celui qui les renie ne dispose d'aucun argument. De même, celui qui prétend que ce sont des hadiths relevant d'une information unique sur lequel on ne peut se baser ou encore que sa descente ne figure pas parmi les dogmes islamiques auxquels il incombe de croire. En fait, lorsque le hadith est confirmé, la croyance en son contenu est obligatoire, ainsi que la reconnaissance de l'information transmise par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne nous est alors pas permis de rejeter sa parole en prétextant que le hadith est à caractère unique, c'est un argument faible. J'ai consacré au début du livre un chapitre dans lequel j'ai démontré que si le hadith unique est authentique, il incombe d'accepter son contenu. Si nous disons « le hadith à caractère unique ne peut constituer un argument », alors ce sont beaucoup de hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous rejetterons et sa parole ne serait que pure futilité sans la moindre signification. Comment cela se pourrait-il alors que les savants ont explicitement mentionné que les ahadiths concernant la descente de Isa alayhi salam sont notoires? Je vais ci-dessous citer quelques-unes de leurs paroles. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, dit « Après avoir cité la divergence quant à la signification de la fin de la vie terrestre de Isa, la plus correcte de ces paroles pour nous est celle de ceux qui ont dit « Cela signifie, je vais te prendre de la terre et t'élever vers moi ». Vu la notoriété des informations d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Isa ibn Maryam descendra et tuera le faux messie ». Puis, il mentionna quelques ahadiths parlant de sa descente. Ibn Kathir rahimahullah dit « Les ahadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informant de la descente de Isa alayhi salam avant le jour de la résurrection en tant qu'imam juste et juge équitable sont notoires ». Ensuite, il cita plus de 18 ahadiths concernant cette descente. Siddiq Hassan, rahimahullah, dit « Les ahadiths concernant sa descente, alayhi salam, sont nombreux. Ash-Shawkani, rahimahullah, en a cité 29, authentiques, fiables ou faibles pouvant se renforcer. Certains sont mentionnés dans les ahadiths sur le faux messie et d'autres le sont dans les ahadiths sur l'attendu, le Mahdi. S'ajoutent à cela les textes rapportés d'après les compagnons dont le statut est de ce qui remonte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Puisque l'effort d'interprétation n'a aucune place là-dedans. Puis, il les cita et dit « L'ensemble de ce que nous avons rapporté atteint le degré de la notoriété, comme il n'échappe guère à celui qui a le mérite d'être instruit. » Al-Rumari dit « La parole concernant la descente de Isa, alayhi salam, est affirmée par plus d'un parmi les compagnons, les tabi'in, leurs successeurs, les imams et les savants de toutes les écoles, tout au long du temps jusqu'à nos jours. » Il dit également cela relève d'une notoriété à propos de laquelle il n'y a pas le moindre doute, de sorte que ne peuvent la renier que les ignorants stupides, tels que les Qadianites et ceux qui ont suivi leur voie, car cela a été transmis par un groupe d'après un groupe, jusqu'à être retranscrit dans les ouvrages de la Sunna qui nous sont parvenus par voie notoire, génération après génération. Il a cité ceux qui l'ont rapporté parmi les compagnons et en dénombra plus de 25. Plus de 30 tabi'in l'ont rapporté d'eux, puis leurs successeurs avec un nombre plus grand encore. Et ainsi jusqu'à ce que les imams les mentionnaient dans les ouvrages de la Sunna, dont les Masanid, tels que ceux d'At-Tayalisi, Ishaq ibn Rawahi, Ahmad ibn Hanbal, Uthman ibn Abi Shayba, Abu Ya'la, Al-Bazar et Ad-Daylami. Parmi les auteurs du Sahih, il y a Al-Bukhari, Muslim, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Al-Hakim, Abu Awana, Al-Ismaili, Ad-Diya al-Maqdisi et d'autres. Cela est aussi rapporté par les auteurs de Jami', Musannaf, Sunan, Tafsir, Mu'jam et autres. Parmi ceux qui ont compilé les hadiths relatifs à la descente de Isa alayhi salam, il y a le Cheikh Mohamed Anwar Shah al-Kashmiri dans son livre At-Tasrih bima tawattara fi nuzul al-Masih. Il cita en effet plus de 70 hadiths. L'auteur de Aoun al-Ma'boud dit les informations d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont notoires quant à la descente de Isa ibn Maryam du ciel vers la terre, avec son corps physique, lorsque l'heure se rapproche. Ceci est la doctrine des gens de la Sunna. Le Shir, Ahmed Shakir, rahimahullah, dit « La descente de Isa, alayhi salam, à la fin des temps, est une chose sur laquelle il n'y a pas eu de divergence parmi les musulmans, vu les informations authentiques rapportées du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ce sujet. C'est une chose qui est nécessairement connue de la religion et n'a pas la foi celui qui la renie. » Il dit également dans son annotation du Mousnad de l'imam Ahmed « Les prétendus réformateurs, ou plutôt les démunis à notre époque, n'ont fait que se jouer des ahadiths prouvant clairement la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam, à la fin des temps, avant la fin de la vie terrestre, tantôt en donnant des interprétations empreintes de reniement, tantôt en les reniant clairement. En réalité, ceux-ci ne croient pas en l'invisible ou quasi pas. » Il s'agit bien de hadith au sens notoire pour l'ensemble, dont le contenu est nécessairement connu de la religion, il ne leur convient donc nullement de renier ou d'interpréter. Le Cheikh Mohammed Nasser al-Din al-Albani, rahimahullah, dit « Sache que les hadiths du faux messie et de la descente de Isa alayhi salam sont notoires. La foi en eux est obligatoire. Ne sois guère leurré par ceux qui prétendent qu'il s'agit de hadith à caractère unique, qu'ils sont ignorants de cette science. Pas un d'entre eux n'a étudié avec soin les voies des hadiths. S'ils l'avaient fait, ils verraient qu'ils sont notoires, comme en témoignent les imams de cette science, tels que l'érudit Ibn Hajar, rahimahullah. Il est vraiment triste que certains osent parler de ce qui n'est pas leur spécialisation, surtout quand il est question de religion et de dogme. La descente de Isa alayhi salam est citée par plusieurs savants comme faisant partie du dogme des gens de la Sunna et de l'unité, ainsi que le fait qu'il descendra pour tuer le faux messie, qu'Allah l'avilisse. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, dit « Les bases de la Sunna pour nous sont le fait de se rattacher à ce à quoi tenaient les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de les suivre et de délaisser les innovations, car toute innovation est égarement. » Il cita ensuite une partie du dogme des gens de la Sunna et dit « La croyance au fait que le faux messie fera son apparition, il est écrit entre ses yeux « kafir » au hadith relatif à ce propos et la croyance que cela arrivera. De même que Isa, alayhi salam, descendra et le tuera à la porte de l'Oud. » Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, dit en exposant le dogme des gens du hadith et de la sunna, « Reconnaître Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, ce qui est venu d'Allah et ce que rapportent ceux dignes de confiance d'après l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne rejette rien de cela. Il croit à la sortie du faux messie et au fait que Isa alayhi salam le tuera. » Puis il finit en disant « Tout ce que nous avons cité et qu'il professe, et ce que nous professons, nous sommes de cet avis. » At-Tahawi rahimahullah dit aussi « Nous croyons aussi au signe de l'heure, telle la sortie du faux messie et la descente de Isa ibn Maryam, du ciel. » Al-Qadhi Iyad rahimahullah dit également « La descente de Isa et le fait qu'il tuera le faux messie est vrai et authentique chez les gens de la Sunna, étant donné les hadiths authentiques à ce sujet. En outre, rien dans la raison, ni la loi divine ne l'invalide. Il faut donc en attester. » Cheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit quant à lui « Le Messie, que la paix soit sur lui ainsi que sur l'ensemble des prophètes, descendra assurément sur terre comme cela est affirmé dans les hadiths authentiques. C'est pour cela qu'il se trouve au deuxième ciel, bien qu'il soit meilleur que Yusuf, Idris et Haroun, car il devra descendre sur terre avant le jour de la résurrection. » Contrairement à autrui. Adam, alayhi salam, se trouve lui au ciel le plus proche de la terre, car les âmes de ses enfants lui sont présentées. La raison de la descente de Isa, alayhi salam, en dehors d'un autre. Certains savants ont cherché à savoir quelle raison y aurait-il dans la descente de Isa, alayhi salam, à la fin des temps, en dehors de tout autre prophète. Ils ont à cela plusieurs réponses. Démentir les juifs dans leur prétention d'avoir tué Isa, alayhi salam. Allah Azawajel montrera alors leurs mensonges et c'est lui en vérité qui les tuera ainsi que leur chef, le faux messie. L'érudit Ibn Hajar, rahimahullah, fait prévaloir cet avis sur tout autre. Isa alayhi salam trouva dans l'évangile le mérite de la communauté de Muhammad, comme dit Allah dans le verset « Et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige. » Surat al-Fath, verset 29. Alors, il invoqua Allah Azawajel pour être l'un d'eux et Allah Azawajel évoqua sa demande. Il le garde vivant jusqu'à la fin des temps pour renouveler l'apogée de l'islam. L'imam Malik, rahimahullah, dit « Il m'a été rapporté que lorsque les chrétiens voyaient les compagnons qui avaient conquis le Shem, ils disaient « Par Allah, ceux-ci sont meilleurs que les apôtres, selon ce qui nous est rapporté. » Ibn Kathir, rahimahullah, précise « Ils dirent vrai à ce propos, car cette communauté est vantée dans les livres anciens et les informations transmises. » L'imam al-Zahabi, rahimahullah, fit la biographie de Isa, alayhi salam, dans son ouvrage intitulé « Tajrid Asma al-Sahaba » et dit « Isa ibn Maryam, alayhi salam, est un compagnon et un prophète. » Car il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors du voyage nocturne et l'a salué. Il est donc le dernier compagnon à mourir. Isa alayhi salam descendra du ciel, sa vie touchant à son terme, afin d'être enterré sur terre, car il n'appartient à aucune créature faite de terre de mourir ailleurs. Sa descente concordera avec l'apparition du faux messie, alors Isa alayhi salam le tuera. Il descendra pour démentir les chrétiens. Il démontrera leurs erreurs dans leurs prétentions mensongères. Et Allah anéantira toutes les doctrines à cette époque, sauf l'islam. Il brisera la croix, tuera le porc et annulera la capitation. Ces choses citées lui sont propres, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il n'y a entre moi et lui aucun prophète. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est donc la personne la plus proche de lui et la plus en droit de se réclamer de lui. D'ailleurs, Isa alayhi salam annonça la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après lui et il appela les gens à croire en lui. Comme dit dans le verset « Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Surat As-Saf, verset 6. Et dans le hadith, on demanda « Ô messager d'Allah, informe-nous de ta personne. » Il dit « Certes, je suis l'invocation de mon père Ibrahim et l'annonce de mon frère Isa. » Avec quoi jugera Isa alayhi salam ? Isa jugera avec la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sera un partisan du prophète. Il ne descendra pas avec une nouvelle législation car la religion islamique est la dernière des religions et demeurera jusqu'à la venue de l'heure sans être abrogée. Ainsi, Isa alayhi salam sera un dirigeant parmi ceux de cette communauté et renouvellera l'apogée de l'islam puisqu'il n'y aura aucun prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu an rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comment serez-vous lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera l'un de vous ?» Al-Walid ibn Muslim dit à Ibn Abi Dhib, Al-Awza'i nous a rapporté d'après Az-Zuhri, d'après Nafir, d'après Abu Huraira radiallahu an « Et votre imam sera l'un d'entre vous. » Al-Mahdi. Ibn Abi Dhib demanda « Sais-tu ce que signifie « sera l'un de vos imams ?»« Tu vas m'en informer, » répondit-il. Il dit « Il vous guidera avec le livre de votre Seigneur, gloire et pureté à lui, et la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Jabir, radiallahu an, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Un groupe parmi ma communauté ne cessera de combattre pour la vérité, victorieux jusqu'au jour de la résurrection. » Il ajouta « Alors, Isa ibn Maryam descendra et leur émir dira « Viens et dirige notre prière. » Mais il répondra « Non, vous êtes les uns chefs des autres, honneur fait par Allah à cette communauté. » Rapporté par Muslim. Al-Qurtubi rahimahullah dit « Certains ont dit qu'après la descente de Isa alayhi salam, les devoirs religieux seront abolis afin qu'il ne soit pas un messager envoyé aux gens de cette époque. » leur donnant des ordres venant d'Allah, pureté à lui. Mais ceci, le fait qu'il soit un envoyé après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une chose rejetée par la parole d'Allah qui dit « est le dernier des prophètes ». Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « point de prophète après moi ». Et également, « je suis al-Aqib », voulant dire par là « le dernier des prophètes et leur sceau ». S'il en est ainsi, il n'est guère permis de penser que Isa descendra en tant que prophète avec une nouvelle législation autre que celle de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, lorsqu'il descendra, il figurera parmi les partisans de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme celui-ci le souligna lorsqu'il dit à Omar, « Si Moussa était vivant, il ne lui conviendrait que de me suivre. Il descendra tandis qu'Allah lui aura enseigné au ciel, avant de descendre, le savoir de cette législation dont il aura besoin pour juger entre les gens et l'appliquer sur sa propre personne. Les croyants se rassembleront alors autour de lui et le prendront comme juge entre eux. » Ce qui prouve que les devoirs religieux seront encore d'application après la descente de Isa alayhi salam, c'est le fait qu'il priera avec les musulmans, accomplira le pèlerinage et combattra les mécréants. Quant à sa prière, nous avons déjà vu les hadiths qui le stipulent. Il en est de même pour son combat contre les mécréants et les partisans du faux messie. Quant à son pèlerinage, Abu Huraira radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Maryam formulera dans le ravin d'Ar-Rawha l'intention d'accomplir le pèlerinage ou la Umra ou les deux à la fois. » Rapporté par Muslim. Quant au fait que Isa alayhi salam annulera la capitation pour les mécréants, alors que cela fut d'application en islam avant sa descente céleste, Il ne s'agit pas d'une abrogation apportée par Issa par rapport à la capitation en tant que nouvelle législation. En fait, l'acceptation de la capitation est liée à la descente de Issa selon ce que nous informa notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc lui qui marqua l'abrogation en disant « Par Allah, le fils de Maryam descendra en tant que juge équitable, il brisera la croix, tuera le porc et abolira la capitation. » Apporté par Muslim. La propagation de la sûreté et l'apparition des bénédictions à son époque. L'époque de Issa alayhi salam sera une époque de sûreté, de paix et d'aisance. Allah enverra des pluies abondantes, la terre fera sortir ses fruits et ses bénédictions, les biens couleront à flot et l'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront. Dans le long hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, évoquant le faux Messie, la descente de Issa, l'apparition de Ya'juj et Ma'juj à son époque, son invocation contre eux et leur anéantissement, on trouve ces dires du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Allah enverra une pluie à laquelle ne résistera ni maison faite d'argile, ni faite de poils. Et il lavera la terre qu'il laissera tel un miroir, puis on commandera à la terre, « Fais pousser tes fruits et redonne tes bénédictions. » En ce jour, une troupe mangera d'une grenade et ils pourront s'abriter sous son écorce. Le lait sera béni au point que la traite d'une chamelle suffira à un grand groupe de gens. La traite d'une vache suffira à une tribu et la traite d'une brebis suffira au clan d'une tribu. Rapporté par Muslim. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les prophètes sont des frères consanguins. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est unique. Aussi, je suis le plus en droit de me réclamer de Isa ibn Maryam, car il n'y a entre moi et lui aucun prophète. Il descendra certes. En son temps, Allah anéantira le faux Messie, la paix se répandra sur terre de telle manière que les lions iront paître avec les chameaux, les léopards avec les vaches et les loups avec les moutons. Les enfants joueront avec les serpents qui ne leur feront pas le moindre mal. » Rapporté par Ahmed. Abu Huraira, radiallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par Allah, le fils de Maryam descendra en tant que juge équitable. Il abolira la capitation, on délaissera les jeunes chamelles et personne n'y prêtera attention. L'inimitié, la haine et la jalousie disparaîtront. Il invitera à prendre de l'argent mais personne ne l'acceptera. » Rapporté par Muslim. An-Nawawi rahimahullah dit « Cela signifie que les gens renonceront aux chameaux et ne désireront plus en posséder. Vu la profusion des biens, le peu d'exigences, l'absence de besoins et la connaissance de la proximité de l'heure. En fait, les jeunes chamelles ont été citées car il s'agit des chameaux les plus nobles qui constituent les biens les plus précieux pour les Arabes. Cela est semblable au sens de la parole d'Allah qui dit « Et les chamelles à terme seront négligées. » Al-Qadhi Iyad, rahimahullah, dit que cela signifie qu'on ne demandera plus la zakat de leur valeur, car on ne trouvera personne pour l'accepter. Mais An-Nawawi, rahimahullah, récusa cette parole. La durée de son existence après sa descente et sa mort. Quant à la durée de l'existence de Isa alayhi salam sur terre après sa descente, certaines versions font mention qu'il restera 7 années et d'autres 40 ans. Dans la version de Muslim, d'après Abdullah ibn Amr, radiallahu an, on trouve « Alors, Allah enverra Isa ibn Maryam. Puis les gens demeureront 7 années sans qu'il n'y ait d'animosité entre eux. C'est alors qu'Allah enverra un vent frais du côté du Shem. Il ne restera personne sur la surface de la terre qui ait dans le cœur le poids d'un atome de bien ou de foi sans qu'il l'emporte. » Dans la version de l'imam Ahmed et Abu Daoud, « Ensuite, il demeurera sur terre 40 ans, puis mourra et les musulmans prieront sur lui. » Ces deux versions sont authentiques, ce qui pose problème. À moins que l'on ne considère que la version évoquant les 7 années porte sur le temps qu'il passera après sa descente et rajoutée aux années qu'il a passées sur terre avant son élévation au ciel, à savoir qu'il avait à ce moment 33 ans, comme cela est connu. Et Allah est plus savant.